Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle édition du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, on a une bonne émission de prévu parce qu'il y a des artistes que vous connaissez dedans, à l'intérieur, inside of... Hein? On va entendre trois gars sur le sofa avec Cerf-Volant. On va aussi avoir le nouvel album de Omnicron qui s'appelle « Comme à la télévision ». Bon, on va commencer avec quelque chose que j'avais très hâte de recevoir. C'est sorti il y a pas mal de mois de ça, mais on vient de le recevoir ici assez fou et ça m'excite pas mal. C'est Velours Brigade de Artist of the Year. Et on commence avec leur pièce « La Sadness » tout de suite. Au poste d'écoute au 89.1 FM. C'est fou! I've got a gift for you. Of the year, a dance floor devil dans le poste d'écoute de C'est fou. C'était précédé de Velours Brigade de Cake for You et on a débuté avec l'introduction du disque La Sadness, Artist of the Year et leur nouvel album Velours Brigade, Artist of the Year, un groupe que je suis depuis très longtemps, je dirais depuis leur deuxième album parce qu'ils ont commencé avec le gala. Le premier. Ensuite, il y a eu Code Disco en 2005, que j'avais trippé bien comme faux. En 2007, Wreck la discothèque. J'adore ça. Et Velours Brigade est leur plus récent. Approche 70 avec des riffs granuleux, disent-ils, des formes progressives, des changements inattendus. C'est ce qu'ils font, Velours Brigade. J'étais sur leur MySpace, au myspace.com/artist, trait de soulignement of, soulignement de, soulignement year. Et puis, je voyais qu'ils sont en tournée en Europe en ce moment. Ils font la Belgique le 23 mai, Paris le 29, la France le 30. Et puis, être au North by North East, je crois que ça s'appelle Toronto. Ça, c'est le 18 juin. Voilà. Donc, sinon, leur site web officiel est au aoty.ca, aoty.ca. Et puis, je dois dire que j'adore ça. J'avais hâte de le recevoir. C'est sorti en octobre dernier, donc ça fait longtemps que c'est sorti en vrai, mais ça tourne pas énormément dans les radios universitaires, que je sache. Et je crois que ça va commencer à tourner très bientôt ici à C'est Fou, Artist of the Year et l'album Velours Brigade. On continue avec un groupe que vous connaissez certainement de nom au moins, sûrement quelques pièces aussi. Omnicron avec leur nouveau Comme à la télévision. On va commencer avec Il disait. Tout de suite, dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois, tous ensemble, dans vos oreilles au 89.1 FM. Encore dans ma bouffe, Jamais je me couche, plein de jeux vidéo. Je vole et je vois la terre, je suis seul dans la brousse. Mais plus rien ne bouche, un vrai futur millionnaire dit de revenir. Mais ils savent que je suis où, donc ils versent des vieilles larmes. Je sais pas, j'entends rien, moi. Mes rêves pis l'avenir sont trop dans et fous. Est-ce que je me fie aux alarmes? Je sais pas, j'entends rien, moi. Je suis pas capable, je sais que je vais devenir vieux. Je vais toujours crier Bangarang comme Peter Pan. C'est juste évident que j'suis un enfant perdu dans un monde imaginaire. Mais c'est tout ce que je sais faire. J'suis malade à chaque jour. J'me fous bien ton parcours. J'déteste perdre, j'suis ma propre vie comme si c'était un concours. Juste assez intelligent pour faire semblant que j'ai vieilli. Mon imagination bâtit ma vie. On vole comme Peter, on fait le moonwalk. Capitaine Crochet sera toujours un ami. On vole comme Peter, on fait le moonwalk. La nuit on danse avec les zombies. On vole comme Peter, on fait le moonwalk. Capitaine Crochet sera toujours un ami. On vole comme Peter, on fait le moonwalk. La nuit on danse avec les zombies. J'ai mon chapeau et mon fouet, Indiana Jones, j'avais pas fait face aux héros si ça te plaît. L'étude de drame arraché le cœur, patrouilleur de l'espace, mon odyssée n'est pas un échiré dans toutes les galaxies pour déchiffrer le monolithe. À cheval sur le thème de ma voix, pose-moi. Il n'était une fois la vie, globule blanc, prépare-toi. Au Congo ou sur la lune, j'ai mes russes pyramides comptées. Tous nos dérives, c'est musicaux, aucune sirène ne peut m'arrêter. Omnicron est comme à la télévision, la pièce titre de leur plus récent album. C'était précédé de Je crie encore et de Il disait. Omnicron, vous les connaissez probablement, vous les aimez peut-être. J'aime bien, mais pas, c'est pas mon style tant que ça, mais cette pièce-là est vraiment bonne. Les trois garçons d'Omnicron innovent avec leur deuxième album, dit leur document de presse. Comme à la télévision, oui, nous prouve qu'ils sont des hommes de goût et que l'électropop, c'est aussi quelque chose de profond. Hein? L'album va sortir en magasin le 19 mai. Dans quelques jours à peine, et c'est sous l'étiquette de numéro et de champion, entre autres. Linso Gabo, Jean Barthes et Figure 8 n'ont pas chômé depuis la sortie en mai 2007 de leur premier album Trop Banane, récipiendaire de Félix dans la catégorie Album et Pop de l'année en 2007. C'est sans aucun doute l'album de la consécration qui les a vus tourner partout à travers le pays, dont plus de 100 dates au Québec et en Europe, disent-ils. Omnicron est leur album Comme à la télévision qui sort le 19 mai, c'est mardi. On passe à un style différent, très très différent, celui de trois gars sur le sofa. Leur nouvel album s'appelle Cerf-Volant. Commençons avec la première pièce de l'album, Ours et Ciel, dans le poste d'écoute à la Radio Campus de Trois-Rivières, le 89.1 FM, c'est fou ça! Un ballon qui vole dans le désert, un fantôme qui hante personne, un météore sans rien sur sa trajectoire, un monstre marin encore inconnu, dans un lac non répertorié, un cadeau de Noël oublié dans le garde-robe, la radio qui joue toute seule au chalet. Une idée qu'on abandonne, un petit ressort, sûrement utile quelque part, un proverbe qui passe inaperçu sur une page à moitié déchirée, être l'ami qui perd une année d'école parce qu'il est né en octobre, un poisson des grands fonds qu'on voit jamais. Je cherche encore mon vrai potentiel. J'ai mis des pièges à ours dans mon ciel. J'attends des astronautes. D'écoute. Même si depuis longtemps nos orteils ont blanchi, on reste ici assis, moins 14. Je contrôle mes tremblements à vitesse de glacier. J'avance vers toi pour bientôt réchauffer le bout de ton doigt. Un blizzard va passer, nos cocons congelés. Les gens vont prier Saint-Bernard pour nous trouver. La nature peut nous en prisonner. Si c'est sur toi que ma langue reste collée. J'aime beaucoup ça, moi, Trois gars sur le sofa. Leur nouvel album s'appelle Cervalin et on vient de le recevoir. Dans vos oreilles. Du soir au matin, sans trop savoir jamais, sans suivre jamais. Écoute, une dernière pièce, un verre de lait. Tourne pas, écoute. Garrett, un chandail trop grand mais chaud. Sur mon balcon, comme Juliette, dans son spectacle version solo, avec mes vieilles lunettes, je vois comme on voit dans l'eau quelques formes abstraites, rien de laid mais rien de beau. Un peu de tabac pendant que mon cœur en fumée bat, le vœu que tout changera. Mais les bougies se multiplient et mon souffle raccourcit. Mais on sourit en pensant que demain peut nous permettre de rencontrer un inconnu. Pensant que demain peut nous permettre de rencontrer un inconnu. Et on sourit en pensant que demain peut nous permettre de rencontrer un inconnu. Et on sourit en pensant que demain peut nous permettre de rencontrer. Bon gars, c'est Sophie, un verre de lait presté de moins 14 degrés. On a débuté avec Ours et Ciel de leur nouvel album Cerf-Volant. Oui, c'est maintenant qu'on parle, c'est maintenant. Trois gars sur sofa, parlons-en un peu. myspace.com/3GSS. Là-dessus, ça nous dit que c'est un groupe de Montréal. Et puis, ils vont passer par Trois-Rivières au Zénobles le 5 juin à 20h. C'est la tournée de la crise économique. Oui, c'est vrai. Nick Morel, Guillaume Monette, Guillaume Meloche et Meloche Charlebois. Voilà, oui. Ou leur site web 3GSS.ca. Wow, c'est maintenant quand même. Trois gars sur le sofa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je me répète en disant des affaires comme ça, mais j'aime ça. On va continuer avec Saran Rap et leur album Sapaban. Quelque chose du genre. Tout de suite, Volant de bois. Chum, il manque un bras. Il s'était supposé être lui qui nous amène là-bas. Un party chez Dracula. Un party, on va être là. Direction Montarville. Direction Martinville. Il s'est passé un bout qu'on avançait jamais. On s'inquiète de la guerre, tout le monde nous connaît. Le capitaine un bras s'en allait pour ben douette. Le bateau il s'en allait direct dans la boîte. L'Indien à venir le conduire. Mais le bateau de bois, l'Indien il s'en foutait. Le capitaine tenta tant bien que mal de l'instruire. Mais le bateau de bois, l'Indien il s'en foutait. Ouais, fais des chants. et le recrache sur la messe des morts. Y'avait trop de kits, y'avait trop de drums. Jackson Wellé, sur ce clavier. Les trois pièces qui ouvrent l'album de Saran Rap. On a commencé avec Volant de bois, ensuite En exil à Nashville, et ça, c'était 1973. Le groupe Saran Rap, Saran Rap, originaire de Baie-Saint-Paul, lance son tout premier album de rock, dit leur document de presse. C'est en naviguant entre l'absurde et l'irréel que ces quatre énergumènes, ou ces quatre énergumènes, joyeux, offrent leur musique. Abordant des thèmes aussi tendances que Pierre Harel, ils s'inspirent du suicide, des chats, de la vie, des marins, des cuisiniers et des jeunes filles pour écrire des textes en français. Dans un rock bien ficelé, toujours selon leur document de presse, Samuel Racine, le délirant, s'occupe de la voix et de la guitare rythmique. Le métallique Antoine Bégin se charge de guitare et de l'accompagnement vocal. Le funky Kevin B. Tremblay s'occupe de la basse. Et finalement, l'énergique et rock, Michel Murray, maîtrise la batterie. Il propose 13 chansons originales produites sous des influences aussi diverses que régionales, métropolitaines, québécoises, russes et amérindiennes. Voilà pour le groupe Saran Rap. Et là, j'ai de la misère à comprendre si leur album s'appelle Saran Rap ou Sapabapan. Bref, ça doit être quelque chose comme... Je sais pas, du russe. On va dire du russe. On va rester dans le côté francophone pour passer à la prochaine formation qui s'appelle Saint-Polaire. Et à l'instant même, on écoute leur pièce La Tempête. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble au 89.1 FM. C'est fou! Tempête. étreint mes peines. Oh, sans tu toute ta tronche de voie lactée, tu brilles, tu brilles. Formation Saint-Polaire dans le poste d'écoute avec la pièce Au sang, et avant ça c'était La Tempête. On va entendre une troisième pièce au début de la deuxième heure, mais pour l'instant c'est la fin de la première. Petit avant-goût de ce qui se passe dans la deuxième, il va y avoir Lara avec Petit Cœur Assassin, Crash Ton Rock, des rats parmi les loups. On va aussi entendre le nouvel album de Jean-Philippe qui est un album de B-side, Semblant d'y croire, Les Mouches du Gel, dans la deuxième heure du poste d'écoute. Restez avec nous, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble au Que Oui au 89.1 FM, c'est fou. Bon, attends, c'est la deuxième heure du poste d'écoute et on est complètement 100% francophone, je dirais, pour cette deuxième heure. Il va y avoir plein de bonnes choses. Des rats parmi les loups, le nouvel album de Crash Ton Rock. On va découvrir ça ensemble. On va aussi découvrir Lara avec Petit Cœur Assassin. Il va y avoir Olivier Malpass avec son maxi. Mais on commence ça avec la fin du bloc qu'on a commencé tantôt. C'était celui de Saint-Polaire. Maxi aussi, trois titres là-dessus. La troisième va passer dans vos oreilles à l'instant même. Voici La Cage dans le poste d'écoute. Ta façon heureuse, ton quartier plat, ta vie malheureuse, ton manque d'esprit, ta folie passagère, ton arrogance, ton style hostile. Marche ou crève, dors ou pleure, mais sors la cage de ton cœur. supposément acculé au pied d'un mur sans couleur, cherchant dessus, en dessous, tu tiens seul dans une foule, je deviens fou. Tu ne demandes plus rien si ce n'est de pouvoir une dernière fois tenir ma main. Il ne te reste qu'un souffle, ma jolie, et il ne me reste plus qu'à te dire à demain. Marche ou pleure, dors ou pleure, mais sors. Tu crées pas, tu n'en peux plus, ma chérie. La vie c'est ça. Peut-on marche, tu montes, tu l'écris. Salope, je ne veux plus jamais te revoir. Seul, sa dérision, mais tu noies dans ta cage comme un seul Saint-Polar et leur pièce La Cage dans le poste d'écoute au 89.fm, mais c'est fou. Là, j'étais en train de lire leur document de presse à Saint-Polar et ça me dit là-dedans que c'est certains membres de l'ancien groupe Metal Somethink. Et puis là, ben après quelques réflexions, Guillaume Pelletier et Maxime Paquette ont réuni un nouveau band après que le band se soit séparé. Donc, Étienne Daragon, un jeune batteur, et Bruno Lavigne, un bassiste expérimenté et déterminé, se joignent au groupe, dit leur document de presse. Ensemble, depuis l'été 2008, ils ont développé leur propre sonorité qui rejoint toutes les influences musicales des gens du groupe. La musique de Saint-Polaire est basée sur une sonorité progressive, tantôt énergique, tantôt mélodieux, avec en plus une voix charismatique. Un band francophone fier de sa langue et aux multiples influences. Bien qu'étant encore un jeune groupe, les musiciens de Saint-Polaire demeurent des affamés de la scène qui n'attendent que les bonnes occasions pour faire connaître leur son nouveau et faire danser les foules. D'ailleurs, en ce moment, Saint-Polaire est en semi-finale du festival Emergenza. Cette finale se disputera au Club Soda le 4 juin 2009. Et sur leur MySpace, que je retrouve au myspace.com/Saint-Polaire, Saint écrit au long, S-A-N-T. J'apprends là-dessus d'autres spectacles. Club Soda, donc 4 juin à Montréal, 10 juillet au Quai des Brumes et 6 septembre au Ninkasi de Québec. Allez voir discindiana.com ou myspace.com/Saint-Polaire pour en savoir plus. Et ça, c'était seulement un maxi de 3 pièces, donc peut-être un futur album pour Saint-Polaire. On le fera jouer en temps et lieu. On va du côté francophone pour aller entendre l'album de ce qu'on appelle les B-Sides dans le domaine de Jean-Philippe. Ça s'appelle « Les mouches dégèlent ». C'est très joli. On va commencer par une pièce qui est passée par les palmarès de C'est fou. « Mon char », voici l'édit 28 de « Mon char » dans le poste d'écoute au 89.1 FM. 1, 2, 1, yo! Trop fort, trop fort. Être sérieux, j'fais beaucoup, trop mal. Continuons la recherche spatiale. Travaillons we combien de temps avant que la pluie tombe, couleur qu'elle fut. Va-t-on entendre l'arbre crier longue vie au moteur? Hey, la frustrée, décalée. Le coup du siècle, il s'en vient, on le prépare. spécialiste et la passion d'une entrepôt qui veut à la banque. À notre plan, rien ne manque. Toute la bande dans la grande navette, faut voir les yeux dans cette cachette. Frayeur, bloody, visage masqué. On entre, on sort comme un rat de marée. Ne perdre qu'une seule seconde nous conduirait droit à la tombe. On va vous déplaire, il y a des jours comme ça où une bande de vipères prennent tout ce qu'on a. Tout le monde par terre, les mains dans le dos. Jouer surtout pas au héros. Au héros. Au héros. On sort du coffre, c'était toute qu'une offre. Un peu de presse, il nous reste les caisses. Sort du coffre, c'était toute qu'une offre. Un peu de presse, il nous reste les caisses. On va vous déplaire, y'a des jours comme ça. Où une bande de vipères prennent tout ce qu'on a. Tout le monde par terre, les mains dans le dos. Jean-Philippe et son album de B-Sides de Semblant du Croix, ça s'appelle Les Mouches dégèlent. On vient d'entendre le compte des 100 billets Outtake. Alors ça, il y avait Je cognerai à ta porte live au Lézard. On a débuté avec Mon Char Edit 28. Il y a aussi une autre version de Je veux prendre mon char live au Lézard vers la fin de l'album. C'est super ça, j'aime ça. Jean-Philippe, prochain spectacle le 19 mai en 5 à 7 pour son lancement de disque au Quai des Brumes à Montréal. Ensuite, il va être le 20 juin à la Fête de la Musique dans les rues de Québec. Ensuite, il va être à la Saint-Jean, à la Place Diouville de Québec le 23 juin. Et puis en juillet, il s'en va en France. C'est beau, hein? Jean-Philippe.com et son site web, Philippe avec un seul P à la fin, là, puis un L, donc Jean-Philippe.com ou encore myspace.com/le-rock n'est pas mort. C'est son MySpace. C'est une belle adresse quand même. J'aime ça. On va passer à un autre style musical, comme on le fait toujours, mais on reste dans le francophone. La deuxième heure va être complètement francophone, d'un bout à l'autre. On va entendre Olivier Malpass tout de suite avec son maxi de 3 pièces. Voici Les Marmots dans le poste d'écoute. T'as, c'est fou! Au 89.fm. Voulez-vous des gosses parfaits, incapables de se tromper, toujours faciles à gérer, obéissants à souhait? Voulez-vous des mioches d'enfer qui remontent toujours la pente, qui ont l'art et la manière de combler toutes vos attentes? Voulez-vous des petits joujoux qui vous inondent d'amour, qui vous couvrent de bisous jusqu'à la fin de vos jours? Voulez-vous des petits bambins qui vous collent toujours au train, car pour eux, maman, papa, y a pas plus sacré que ça? Désolé, mais je crois bien que vous allez tomber de haut. Vos espoirs ne mènent à rien, il faut changer de credo. Accepter l'imperfection, les erreurs, les coups dans l'eau. C'est bien de vouloir le meilleur, mais faut pas devenir accro. Voulez-vous que ces chéris voient en vous l'exemple à suivre, un modèle très abouti de ce qu'on peut faire de sa vie? Voulez-vous que ces mignons réussissent dans leur métier, n'aient pas de problème de pognon, pas comme vous qui êtes fauchés? Voulez-vous que la marmaille qui envahit votre salon pense qu'il est temps qu'elle s'en aille, vous fiche la paix pour de bon? Voulez-vous que le vipère qui vous pompe l'oxygène rentre se cacher sous terre ou disparaisse de la scène? Désolé, mais je crois bien que vous allez tomber de haut. Vos espoirs ne mènent à rien, il faut changer de credo. Accepter l'imperfection, les erreurs, les coups dans l'eau. C'est bien de vouloir le meilleur, mais faut pas devenir accro. Les rois, les chefs de tous ceux qui bougent, pouvoir faire chez vous la loi, ne pas devoir virer au rouge. Vous voulez la liberté de remplir à votre guise chaque moment de la journée, quoi que le cœur vous en dise. Vous voulez peu de tracas, de bagarres, de prises de tête. La vie n'est pas un combat, vous la voyez comme une fête. Vous voulez la reconnaissance de tous vos beaux sacrifices, pouvoir compter sur votre engeance quand vous serez à l'hospice. Désolé, mais je crois bien que vous allez tomber de haut. Vos espoirs ne mènent à rien, il faut changer de credo. Accepter l'imperfection, les erreurs, les coups dans le dos. C'est bien de vouloir le meilleur, mais faut pas devenir accro. Un dernier petit conseil avant de clore le sujet. Vous verrez, la vie est belle sans ce petit monstre à soigner. Mais si vous voulez des miracles, des émotions plein les yeux, plutôt qu'une vie de monarque, les marmots c'est encore mieux. Mais j'en ai marre de tes plans foireux, de tes histoires où tout est bleu. Tu crois qu'il suffit de rêver pour que tout devienne réalité? Alors je suis bien au regret de t'annoncer que c'est pas vrai. Regarde autour de toi et tu verras que c'est pas si simple. Tout le monde n'a pas le choix entre l'amour et la misère. Tous ceux qui crèvent de froid, de faim, de soif ou de tristesse sont peut-être... Droit de veto, je pense, là-dessus, hein? Pas mal, tu sais, des fois, à un moment donné. On vient d'entendre notre ami, on pourrait dire, Olivier Malpass avec Face à Face. Et avant ça, c'était Les Marmots. Mais je prends mon droit de veto pour ne pas les laisser continuer parce que je crois que ça devrait pas jouer assez fou, mais c'est mon opinion personnelle et j'ai le droit de l'avoir. Voici Lara et Petit Cœur Assassin, son nouveau maxi et la pièce Cœur Assassin dans le poste d'écoute au 89.fm 819-376-5183 pour les commentaires. Ouais. Mon cœur est une machine si rouillée qu'on l'examine. Un méchant bourbier, mes jours sont comptés. Des quantités de festins, des noces qui voient le matin. Trop tôt pour mourir, je ne veux plus dormir. Alors, je fonce sans fin. Quelques jours à l'ombre, le gardien termine sa ronde du pénitencier en venant me narguer. Un long séjour inhumain, de quoi rendre un saint malsain à force de subir. Je veux tout détruire, alors j'enfonce la lame du désespoir. Religieuse qui aime jouer les amoureuses, mais la loyauté me fait déchanter. Donc je sors mon baratin jusqu'à ce qu'ils aient le béguin et j'use mon désir sans même l'assouvir. Alors je fonce d'ardeur. S'accapare tous vos drames sans témoin, se nourrit de vos déboires pour arriver à ses fins. Mon encre coule sans s'émouvoir, sans même penser à ma fin. Sous mon cymbale à fanfare de mon petit cœur assassin, sous mon cymbale à fanfare de mon petit cœur assassin. C'est le poste d'écoute. Sans scrupule, c'est fatigant. Et tu opères tes coups fumants pour faire la part avec tout le monde en même temps. Mais quand je vois rouge, tes bras deviennent des tentacules. Ta bouche, une ventouse qui me couvre de baisers préambules. Je capitule, t'es une crapule, un intrigant. Mégalomane qui cumule les faux semblants. Cet éphémère amour stagnant me rend amer. Je te confronte et tu mens. Mais quand je vois rouge, tes bras deviennent des tentacules. Ta bouche une ventouse qui se fait pardonner ses lacunes. Et je bascule. Je ne suis qu'un de tes hors d'œuvre. J'en ai marre des vagues, des remous. Je mets le cap sur terre, je m'échoue. Une sirène à ta tribune, que des envies qui te consument. Je vais s'aborder le bâton de notre amour fiasco. T'es ridicule, sans argument. T'es en panne sèche de calcul, de boniment. Tu m'exaspères horriblement. J'ai besoin d'air, ma colle à mort, fous-moi le corps. Mais là je vois rouge, tes bras se tendent mais je recule. Dans ta bouche ventouse, les mensonges se coagulent. Tu capitules et moi je te quitte. C'était Lara, avec La Pieuvre. Hein? Bon, ça, c'était Cœur Assassin, presque la pièce-titre de son nouveau maxi Petit Cœur Assassin. Elle va être le 4 juin au Petit Medley. Elle vient de Montréal, myspace.com/laramusique ou encore laratradunionh.net. Les membres du groupe Cédric Dain, on va dire Dain. J'imagine que c'est Dain. J'espère que c'est pas Dain. Dain Lavoie, basse et contrebasse. William Côté, batterie et percussion. Guillaume Saint-Laurent, clavier et accordéon. Pierre-Emmanuel Polza, clarinette, mélodica et percussion. Sinon, ben, elle était à Fréquence Libre. C'était hier. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient? Magazine du week-end au 98.5 à Montréal. Ça, c'est demain, samedi. Allez voir les dates de spectacle. Il y en a beaucoup sur myspace.com/. Lara, musique. Lara, c'est L-A-R-A. Et puis, musique en français, si ça vous intéresse. Moi, c'est pas vraiment mon genre de musique du tout. Mais c'est un genre. C'est un genre. On reste du côté francophone, comme on va le faire jusqu'à la fin de cette deuxième heure du poste d'écoute. On va l'entendre Crash Ton Rock. Leur album s'appelle Des rats parmi les loups. Et tout de suite, voici elle dans le poste d'écoute. Ben, c'est fou. Jamais, elle ne jurait que par la cause féminine. Mais tu t'es sans. farceur, c'est de pinceur. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. L'information Crash Ton Rock avec leur album Des Rats Parmi les Loups. Ça, c'était la pièce Brûlée. Avant ça, il n'y avait Rien à perdre, qui d'ailleurs apparemment joue dans toutes les radios du Québec selon leur MySpace. Et puis elle a débuté le bloc. La pièce, elle, non pas elle, Rien à perdre. L'album sort le 26 mai. MySpace.com/CrashTonRock. Ça nous apprend là-dessus qu'ils viennent du Saguenay. Lancement le 26 mai au Petit Campus. Ensuite, ils vont passer par Montréal, Chicoutimi, Saint-Philémon et Saint-Félicien. À la voix, c'est Joe. À la batterie, Tommy. Guitare électrique, Danny. Basse, Sébastien. Et guitare acoustique, Guillaume. Voilà donc pour Crash Ton Rock et leur album Des Rats Parmi les Loups. Non, mais on va continuer avec un groupe qui m'intriguait. Pourquoi il m'intriguait particulièrement? Parce que sur la pochette, sur l'album au complet, là, qu'on pense à l'avant, à l'arrière, au côté, à l'intérieur de la pochette, n'importe quoi, on cherche et on ne trouve pas le nom du groupe. Je sais pas, mais c'est Feathership. Fait que c'est ça. Le nom du groupe Feathership, voici la pièce For Once. Pour une fois. Hein? Dans le poste d'écoute au 89.1 FM, ridicule, absolument. Mais écrivez donc le nom de votre groupe sur l'album, quelque part. To her feet, how could you? Poste d'écoute. I won't carry a heavy load. I won't clear your dusty road. I won't battle, I won't stop. Thank you. C'est fou. C'est malade. 89.1. Fellowship, une formation sur laquelle tout le monde a l'air de capoter en ce moment. Ça va venir peut-être avec plusieurs écoutes. Fellowship, nouvelle sortie sur l'étiquette Maisonnette. Fellowship est un nouveau band de la scène indie montréalaise, disent-ils, et ça rassemble des musiciens de The Stills, Mille Monarques, Le Husky et l'Indice. Mené par Jean-Philippe Sauvé, qu'on a connu pour Arrivals and Departures en 2006 sous le pseudonyme de JP, Fellowship se dévoile ce printemps avec son premier EP éponyme, donc ça c'est un maxi, un petit bijou de psych folk façon 60s, traversé d'éléments indie rock résolument modernes. C'est en magasin depuis le 12 mai, on vient tout juste de le recevoir ici à C'est Fou. Le lancement s'est fait à Montréal le 13 et le lancement à Québec va être le 16, donc demain samedi, si vous écoutez en direct, c'est à 20h au Cercle. Feathership, leur album s'appelle aussi donc Feathership. Et puis les membres sont Jean-Philippe Sauvé, Grégory Leclerc-Paquet, Vincent Blain, Étienne Rochelot et Mathéo Vézio. Allez voir myspace.com/feathership ou encore l'étiquette au maisonnettemusic.com. On se quitte, c'est la fin de la deuxième heure. Il nous reste une troisième heure dans quelques minutes. On va avoir la musique de Plastic Joy. Il va y avoir Pale Air Singers et Fallen Soldier. Restez avec nous. Retour sur la troisième et dernière heure du poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante et oui, c'est ce qu'on fait. On les déballe, ces CD. Oui, on les joue dans des lecteurs. Si vous avez entendu des rumeurs, elles sont toutes vraies. Presque toutes vraies. Dans cette troisième heure, il va y avoir Fallen Soldier. On va aussi entendre Pale Air Singers, mais on va commencer ça avec l'album de Plastic Joy. Elle s'appelle 3 Minute 3 ou 3-2-0-3. Et ça commence maintenant avec la pièce Sleepy Quest for Coffee. dans le poste d'écoute de C'est fou au 89.fm. Oui. Poste d'écoute. Thank you. Plastic Joy dans le poste d'écoute de C'est fou. C'était la pièce True Norwegian Black Metal. Après, c'est de Hands. On a débuté avec Sleepy Quest for Coffee. Là, c'est toi et toi, plasticjoy.com. Plastic prend un K. Et là, je suis là-dessus sur le site. Très, très ambiant. Là. Il y a des affaires qui se passent, des couleurs qui virent partout. C'est super joli. J'aime bien. Et puis, chercher leur MySpace. Ah, le voilà! Plastic Joy Music. Hein, MySpace.com/PlasticJoyMusic. L'album est en magasin maintenant. Il s'appelle 303. Et ils ont nommé l'album comme ça parce que c'est l'heure à laquelle les sessions d'enregistrement terminaient. D'habitude pour Plastic Joy. C'est le duo de Cristiano Nicolini, son italien, et Fannar Asgrimsson de l'Islande, avec un petit peu d'aide de leurs amis. Ils ont créé cet album qui, selon le petit texte sur l'album ici, qui émet une qualité nocturne définitive. Hein? C'est aussi sensuel que solitaire, aussi rêveur que conscient, aussi brillant que la lumière des rues dans la nuit à minuit, blablabla. Définitivement de la musique pour après-party. Dit-il. La trame sonore parfaite pour regarder le soleil revenir et se perdre un jour de pluie. Bon, bla. C'est beaucoup d'ambiance, hein? Ils essaient de vous faire vivre quelque chose. J'aime le style. C'est bon. C'est très bon. Donc, myspace.com/PlasticJoyMusic ou encore plasticjoy.com. Allez-y, amusez-vous, écoutez de la musique et puis allez vous chercher cet album-là de Plastic Joy 303. On passe du côté canadien pour aller entendre Pale Air Singers et leur album qui s'appelle aussi Pale Air Singers. Tout de suite, voici Convict Escapes dans le poste d'écoute. Et est-ce que je vous l'ai dit? Hein? Je sais pas. On écoute les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. T'sais, si vous savez pas, je sais pas moi. Je veux dire, y en a qui le savent pas là. C'est pas parce que ça fait 5 ans que c'est à la radio que tout le monde le sait. Hein? Mais c'est ça qu'on fait. Thank you. Le poste d'écoute. Thank you. smoke caving in from the heavy snowfall. So I am strengthening each and every beam. I am tearing up the seams. Bel Air Singers avec The Moving Floor, précédé de Swell and Grits et de Convict Escapes. Ça vient de leur album qui s'appelle aussi Bel Air Singers. Allons voir sur le myspace.com/. Pale Air Singers, pour voir ce que ça dit. On sait que c'est un groupe canadien, ça ne dit pas exactement d'où ils viennent, mais on sait qu'ils vont être en spectacle à Edmonton et à Calgary. Donc, c'est dans le Canada qui n'est pas proche du Québec, il me semble. Maddie Clint, Jeff, Tom et Mathieu sont les membres de ce groupe. FlemishEye.com est leur site web. Et puis, waouh, ils ont vraiment pas beaucoup d'informations, du tout. C'est dommage quand même, mais bref, ça arrive. C'est comme ça. Canadien, on reste là-dedans, on s'en va entendre la formation Think About Life et leur album Family. Et voici la pièce Johanna. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble et on sait pas du tout où on s'en va. New. Le poste d'écoute. Pearl in my heart, the golden seashell in my dream. Oh. Le groupe montréalais Think About Life et la pièce Sweet 16, précédée de My Baby, I've Been My Baby, et de Johanna. Ça vient de leur album Family. C'est bon, ça, c'est montréalais. Ça, l'album sort le 26 mai prochain. Ils vont être à Montréal le 28 mai à 20h au Théâtre Plaza avec Toon Yards. Et puis ils vont être à Québec au Cercle le 17 juillet. Ça, c'est un peu loin. Avec Kiasma. Allez voir thinkaboutlife.org ou myspace.com/thinkaboutlife. Les membres sont Martin, Matt et Graham. Il y a une vidéo pour la pièce Wizard qui est sur leur MySpace. Donc allez voir ça. C'est très bon. J'aime. On reste du côté canadien. Ça veut rien dire quand je dis j'aime. T'sais. Il me semble que je dis ça à tout. Hein. En tout cas, bref. Fallen Soldier. Non pas Fallen, mais F-A-L-L-A-N. Fallen Soldier. Avec leur album Above the Call of Duty. C'est ce qu'on s'en va entendre tout de suite. Et on commence avec la pièce A Big Front. Dans le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales. Et c'est la première fois qu'on le fait. T'sais. Ben pas... On fait ça chaque semaine. I'm going for the top of the mountain, can't come down. And even if I lost all oxygen, I'd find my way back till the well stepped. Find another reason not to come back. Yeah, you stabbed me, but I'll get back up and make you wish on this. You can't just piss on this, cause it's the way we live. I got it head to toe, envy me and you know. I pulled all night, see, hate it that you like me. Hey yo, I got the flow, kiss my ass like mistletoe. I spit shit so ice cold, feels like you had a stroke. And all the people joked, but I came out clean like soap. And you already know, I tried my hardest so. I cannot sing. Thought I'd never make it home, but now I know I never wanna be left all alone. Yeah, it makes me all wired and it makes me all tired, man. Gonna grab the reins of life and ride this shifty zone. So, wouldn't recommend it if you cannot stomach pain. Fuck this shit, quick wit, razor sharp, insane. And you know the grass is greener on the other side of fame. Trying to grab this life and get rid of all this shame. So, I cannot sing another line till I know. Fade. Somehow I fully feel None of this hope is real. Clairvoyance steals before the truth reveals and peels away. Your skin's a sad decay, 'cause on those pivotal days, you chose to walk away. You chose to walk away. And all the things you slay, and all the things I saved, the way you left it when you chose the paint you trashed to save. I cannot sing. C'est quoi le nom de la pièce déjà? Je crois que c'est The Edge of Disaster. De l'album Above the Call of Duty par Fallen Soldier dans le poste d'écoute de C'est Fou au 89FM. myspace.com/FallenSoldier. Donc F-A-L-L-A-N Soldier. C'est le MySpace. L'artiste vient de Vancouver en Colombie-Britannique. C'est du hip-hop, rap, rock selon son MySpace. Je cherche et on voit la pochette de l'album. C'est disponible sur CD Baby, iTunes et Amazon en ce moment même. C'est son premier album. Et voilà, donc je pense que ça va faire le tour pour ça. Il y a quelques petites vidéos à aller voir sur MySpace. Fallen Soldier. Alors, on a déjà presque terminé l'émission, donc on va terminer ça avec quelque chose, je crois, que c'est un petit peu plus intense. Là, c'est... il va falloir que je vérifie. Karmatic avec Fusion, c'est le nom de l'album. Voici Messengers in the Sky dans le poste d'écoute de C'est Fou. Au 89 FM. C'est peut-être pas si intense que ça. Enfin, juste la pochette qui a l'air intense. Avec un logo genre métal. Bref. Karmatic et la pièce Messengers of the Sky de leur nouvel album Fusion dans le poste d'écoute. Karmatic est un groupe de rock alternatif metal qui vient de Charlebois au Québec. Allez voir myspace.com/karmaticrock, Karmatic avec des K là, et puis rock avec un CK. Ils vont être en spectacle le 26 juin au Cercle de Québec. Les membres sont Carole Gagné à la voix et la guitare, Gino Rochefort à la basse et il est choriste aussi, et Martin Gagné à la batterie. L'album donc Fusion est présentement disponible. Allez voir leur MySpace pour en savoir plus sur eux. Nous, c'est la fin du poste d'écoute pour cette semaine. Je vais vous parler de qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui. Omicron, c'était bien. Trois gars sur le sofa, bien évidemment. Jean-Philippe avec Les Mouches des Gels. Il y a eu Plastic Joy avec 303. Mais mon poste d'or cette semaine, c'est Artist of the Year avec Velours Brigade. On va aller entendre une quatrième pièce de l'album, My Finger, Your Ass. C'est son nom à cette pièce-là. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les vendredis matins à 10h, on rappelle, les lundis à 15h. Je vous retrouve aussi dans CNX, l'émission la plus geek de la radio, et dans les Palmarès C'est fou, ça c'est plus tard aujourd'hui, vendredi à 17h, si vous écoutez en direct. D'ailleurs, si vous êtes en direct, c'est Alain Lefebvre qui est ici avec Rock Classique, donc écoutez-le, passez une très belle journée, une très belle fin de semaine, une belle semaine, et bye bye!